الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم. Donc c'est la traduction de la khutba d'aujourd'hui en français parce que étant donné que le sujet est assez long, hein, si je devais traduire ça, ça allait pas être une traduction satisfaisante avec le temps limité là. On est obligé de couper beaucoup de choses, donc j'ai préféré attendre après pour la traduire. Donc, serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Donc, le jugement appartient à Allah, le très grand, le très haut, le très grand. وَيَقُولُ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie et juge entre eux selon ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire selon ce qu'il a révélé, et ne suit pas leur passion de ce qui t'est venu de la vérité. Et donc, parmi les plus grands droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est le fait que c'est lui seul qui est le juge et qui a le droit de légiférer. Et on n'a pas le droit de juger par une législation ou une loi autre que la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'il cherche, est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'il cherche, et qui est meilleur que Allah comme juge pour un peuple qui est croyant avec et qui a une foi certaine et qui a la conviction. Et c'est pour ça que la démocratie, qui est glorifiée par beaucoup de gens aujourd'hui, et qui est devenue une tentation pour certains musulmans, et qu'on entend certains d'entre eux même qui appellent à la démocratie de toute leur voix, et il faut savoir que cette démocratie là elle est en contradiction avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque même dans sa définition, lorsqu'on regarde la définition du mot, le mot démocratie, on dit que c'est un mot qui vient du grec, et il est composé de deux mots. C'est une combinaison de deux mots, demos, kratos. Demos qui veut dire le peuple et kratos qui veut dire le pouvoir. Donc c'est comme si on disait que la source du pouvoir et de la souveraineté est le peuple. Comme si c'était le peuple qui avait l'autorité et le pouvoir. Et bien entendu, on sait très bien que la source de la législation ne peut pas être le peuple pour les musulmans, puisque Allah nous ordonne de juger par sa loi, par sa révélation. Et donc, il dit, si on regarde réellement par rapport aux lois que les hommes ont inventées et qu'est-ce qu'ils appliquent comme système, ils disent que c'est le jugement du peuple. Mais c'est pas réellement le jugement du peuple, parce que le peuple, c'est une chose abstraite, c'est pas une chose réelle. C'est-à-dire que il y a pas l'opinion du peuple et le jugement du peuple. Le peuple, n'a pas une seule opinion, n'a pas une seule voix. En réalité, le peuple a différentes voix, différentes opinions. Mais on parle de l'opinion ou de la volonté de la majorité, soi-disant. Et c'est ça, dans le système démocratique, qui détermine l'opinion du peuple selon cette définition-là. Ce que la majorité veut, c'est ça la volonté du peuple. Et ça, c'est en contradiction avec les intérêts et le bienfait de l'humanité. De qu'est-ce qui vient pour le bien de l'humanité? Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement ce que la majorité désire qui est la vérité. Bien souvent, au contraire, ce que la majorité veut, c'est ce qui est en contradiction avec la vérité. Puisque la majorité des hommes sont mauvais. La plupart des hommes sur terre, ils aiment le mal, ils n'aiment pas le bien, même si ils prétendent aimer le bien. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets dans le Coran, il dit, par exemple, wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc si supposons on faisait un vote pour toute l'humanité aujourd'hui, on faisait voter tous les êtres humains sur terre, à savoir est-ce qu'on doit adorer Allah seul ou non. Eh bien, c'est sûr que la majorité des hommes, ils voteraient pas oui, hein, ils voteraient contre. Donc, si on devait se baser sur une question de nombre ou de majorité pour savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux, hein, eh bien, c'est certain que les gens de la fausseté auraient le dessus. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ » Hein? Mais la plupart des gens, malgré que tu le désires ardemment, ils ne sont pas croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un autre verset ce qui signifie, il dit premièrement, وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ. Ce qui signifie, et nous n'avons pas trouvé, hein, chez la plupart d'entre eux, de respect des engagements et des ententes. Et nous avons trouvé la plupart d'entre eux, hein, comme étant des pervers ou des pécheurs. Et en réalité, si on regarde, lorsque les gens qui appliquent la démocratie, lorsqu'ils prétendent que c'est le jugement du peuple, on voit que dans la réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas, hein? Puisque celui qui fait la constitution et qui écrit les lois, c'est un petit groupe seulement qui représente les classes, hein, les classes les plus importantes ou les plus élevées de la société, qui détiennent les biens et l'argent et qui contrôlent les médias, hein, et ils ont la capacité d'influencer l'opinion publique. Donc, il dit, c'est pour cette raison-là que il fait partie des malheurs, des méfaits les plus grands que d'arriver à appeler à imposer la démocratie dans les pays musulmans, parce que ça fait en sorte que les non-musulmans, les koufars et les hypocrites, les munafiqines, ceux qui n'aiment pas la loi d'Allah, ceux qui n'aiment pas la religion d'Allah, ont par la démocratie un moyen de s'imposer et de faire passer leur système et leur jugement et leur voix au-dessus de la religion d'Allah. Hein? Donc c'est comme si c'est un moyen ou une technique qu'ils utilisent pour prendre le pouvoir sur les musulmans dans les pays musulmans en utilisant la démocratie. Et malheureusement, beaucoup d'ignorants parmi les musulmans pensent que ça c'est une méthode ou que c'est un moyen légal. Hein? Et on voit que même parmi certains groupes, soi-disant islamistes aujourd'hui, ils prétendent vouloir utiliser la démocratie pour arriver à ramener la religion, alors qu'à la base, la démocratie a été installée pour rejeter la religion. Donc comment tu veux utiliser un système qui est à la base créé dans le but de rejeter le jugement d'Allah pour essayer de prétendre vouloir ramener le jugement d'Allah? C'est une contradiction, hein? C'est comme si tu dis on va ramener le tawhid, mais on va passer par le shirk pour le faire, hein? On va ramener l'adoration du Dieu unique, mais avant, pour le faire, on va installer des idoles, hein? Ça c'est de l'idolâtrie, hein? Et on passe pas par l'égarement pour aller vers la guidance. Et donc on voit que ça c'est pas la méthode des prophètes et c'est pas la méthode des messagers. Ils n'ont jamais utilisé cette façon là ou cette méthodologie là. Et on peut rajouter à cela que parmi les méfaits et les égarements de la démocratie, du système démocratique, c'est que le vote démocratique ne distingue pas entre le savant et l'ignorant. Hein? Lorsque deux personnes votent, hein, quand on va tirer les voix, on ne va pas savoir est-ce que le vote de celui-ci, c'est le vote d'un savant ou c'est le vote d'un ignorant. Et ça veut dire que le vote de celui qui a du savoir, il a la même valeur que le vote de l'ignorant. Hein? Et donc, ça c'est une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. Est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et également, c'est un vote qui ne distingue pas entre le croyant et le non-croyant. lorsqu'on regarde les votes, hein, lorsqu'on fait le tri des votes dans la boîte, on regarde le vote d'une personne et d'une autre personne, on ne voit pas la distinction entre celui du croyant et celui du mécréant, hein. Et c'est certain que si on devait tenir compte de ça, la voix du mécréant, c'est sûr que le mécréant il va contredire la vérité ou voter contre ce que Allah a jugé. Et donc si on met le vote du croyant et le vote du mécréant à égalité, donc ça veut dire que dans ce cas-là, on fait une injustice. Hein? On fait une injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que celui qui est croyant est comparable à celui qui est pervers? Hein? Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Et donc, le croyant, il juge selon sa foi. Il va agir selon sa foi. Et le mécréant, il va juger selon sa mécréance, selon son égarement. Chacun selon ce qui, hein, chacun selon ce qu'il a comme conviction. Tandis que dans l'islam, le juge suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait les lois, c'est lui qui légifère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَأَنْ إِحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jugement n'appartient qu'à Allah. Et il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Et dans le verset 44, dans surat Al-Ma'ida, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque juge par autre que ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit même à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'il chercherait, hein, à te tenter pour te faire détourner, hein, de ce que nous t'avons révélé et pour que tu inventes quelque chose à sa place. Et à ce moment-là, il t'aurait pris comme ami, hein. C'est-à-dire que si tu aurais déformé la religion d'Allah et que tu aurais changé la révélation, hein, eh bien là, il deviendrait ton ami. Il serait satisfait de toi. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Ça veut dire, et juge entre eux selon ce que Allah a révélé et ne suis pas leur passion. Et prends garde qu'ils ne cherchent de te tenter, hein, de te détourner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et ici, on doit faire attention au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'une partie, hein, qu'ils cherchent de te détourner et de te tenter d'une partie de ce que Allah a révélé. Que dire de celui qui appelle à la laïcité et à la démocratie et qui appelle les musulmans à se détourner de toute la charia au complet et non d'une petite partie seulement, hein? Et donc la démocratie, elle donne aux gens qui font les lois et qui légifèrent, par exemple les députés qui sont élus, les ministres qui sont élus, ils sont assis dans l'assemblée et ils font des votes pour voter pour, en faveur de certains projets de loi, hein, ou contre certains projets de loi. Et certaines de ces lois, c'est pour rendre légal ce que Allah a interdit, ou pour rendre illicite ce que Allah a permis. Donc, le fait de faire ça, c'est clair que c'est en contradiction avec la charia d'Allah. Et c'est du kufr. Hein, et même de croire qu'on a le droit de faire ça, en soi, c'est déjà à la base une forme de mécréance. Parce que ça veut dire que tu penses qu'il est permis pour quelqu'un de déclarer halal ce qu'il veut ou de déclarer haram ce qu'il veut selon ses désirs, hein, sans tenir compte de la loi d'Allah. Donc si par exemple quelqu'un, il va aller dans l'Assemblée nationale ou le Parlement, puis il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que l'alcool est haram, et que le porc est haram, et que le zina est haram. Donc il faut que la loi soit en accord avec ça. Eux, ils vont dire, d'accord, on va faire un vote. Hein? On va faire un vote. Et si la majorité dit que c'est pas interdit, alors ça devient légal. Ça veut dire que dans la loi, on aura le droit de faire ce genre de choses. hein, et ça c'est clair que c'est interdit pour les musulmans. Donc il y a une chose qui est établie dans les principes et les fondements de la charia, c'est que les bases de la législation sur lesquelles tous les musulmans sont unis et sont tous d'accord, c'est le Coran, la Sunna et l'Ijma, et le consensus hein, des ulama de la Ummah. Hein, qui, et donc, ça veut dire que toute personne qui juge par autre que le jugement d'Allah, il a jugé par le Tahrout. Le Tahrout, c'est tout jugement qui contredit la loi d'Allah. Et toute personne qui est adorée en dehors d'Allah, ou toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Ça veut, ce qui signifie, n'as-tu pas vu celui ou ceux qui prétendent croire en ce que ce qu'on a fait descendre sur toi et ce qu'on a fait descendre avant toi, c'est-à-dire ce qu'on a révélé à toi et ce qu'on a révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le Tahrout. C'est-à-dire, ils veulent prendre pour juge hein, ce qui contredit la loi d'Allah. Donc, quiconque demande ou appelle au jugement du peuple hein, et à une loi qui contredit la loi d'Allah, alors il appelle à un Tahrout dans ce cas-là. Et donc ça c'est ce qui clarifie que la démocratie elle est en opposition totale avec l'islam. Et également parmi les éléments qui montrent la, yani, le fait que la démocratie contredit la vérité et l'islam, c'est qu'il appelle à créer des partis et des groupes et à diviser les musulmans, à diviser la population et à les diviser en groupes et en partis. Et vous savez ce qui arrive lorsque les gens se divisent en groupes et en partis. En général, les groupes et les partis, ils sont basés sur des idées, sur des principes ou sur des idéologies. Souvent, ces principes et ces idéologies-là sont en général tirés de qu'est-ce que les koufars ont inventé comme idéologie, soit le communisme ou soit... Yani, le socialisme ou d'autres idéologies, libéralisme, des choses comme ça. Ça, c'est des idéologies qui sont en contradiction avec l'islam. Hein? Et dans les croyances également, et dans les pratiques. Donc ça, c'est un exemple. Et également, dans l'islam, tous les musulmans sont des frères. Et tous les musulmans doivent être unis. Ils ne doivent pas se diviser. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les musulmans d'être unis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette umma une umma unique. Donc le résultat de la démocratie, c'est que ça divise la société, ça divise les croyants. Et au lieu d'être une seule nation unie autour de leurs dirigeants qui se supportent et qui s'entraident et qui collaborent dans le bien et qui coopèrent dans le bien, ils deviennent des ennemis qui luttent les uns contre les autres. Et vous savez ce qui se passe dans les pays où il y a la démocratie? On achète des votes. Hein? On achète des votes. On donne des pots de vin. Hein? Partout, même dans les pays européens, dans les pays occidentaux, où il y a la démocratie, il y a toujours des financements illégaux pour les partis. Ils reçoivent, tel ou tel parti reçoivent des financements de tel ou de tel endroit, et après on découvre ça. Hein? Et là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour cacher la provenance de ces fonds-là. Parce que la façon dont le système démocratique est fait, si quelqu'un ne possède pas des millions de dollars, il ne peut jamais gagner une élection. Si tu ne possèdes pas des millions de dollars, c'est impossible pour toi de gagner une élection. Même si tu as la plus sincère des intentions, et même si tu es la personne qui veut le meilleur pour ton peuple et pour ta nation et pour la société, et même si tu as des intentions sincères de vouloir réformer la corruption et d'enrayer l'injustice et de lutter contre la pauvreté ou les choses qui sont propagées dans la société comme injustice, peu importe ton intention et ta sincérité, Et peu importe également la probité de la personne, même si elle est une personne honnête, si elle est pauvre, elle ne peut pas gagner une élection. À moins, hein? Donc, il faut qu'ils aient une source de revenus ou de l'argent qui vienne de quelque part. Sans parler du fait que ces élections-là coûtent très cher. Hein? Je me rappelle une fois, j'étais en Haïti, ça c'était pas dans la route pas, mais je le mentionne en passant. J'étais en Haïti j'étais chez un ami, puis il y avait la télé qui était allumée et il y avait le président d'Haïti qui était en train de parler des élections. Et il disait, si je me souviens bien, que pour les élections en Haïti, ça allait coûter 36 millions de dollars pour pouvoir les faire. Hein? Juste pour pouvoir faire les élections. Parce que après, il faut qu'il y ait surveillance des bulletins, il faut qu'il y ait le décompte. Il y a beaucoup de choses à organiser. Il faut faire ça dans toutes les régions, dans toutes les... Donc, ça implique beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Ça coûte très cher. Hein? Surtout qu'il y a des gens en Haïti qui ne savent même pas lire ni écrire, ne comprennent même pas quoi que ce soit. Alors ça veut dire que celui qui a les plus gros bras, il peut, hein, ou bien celui qui a de l'argent, il peut acheter n'importe qui et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il dit ça va coûter 36 millions pour les élections. Il dit évidemment, on ne les a pas. Donc, il va falloir emprunter de la banque. Hein, la Banque mondiale, ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils nous donnent de l'argent pour pouvoir faire nos élections. Donc c'est un cercle vicieux, ça finit jamais. Hein? Et c'est un gaspillage d'argent. Ça, c'est seulement les élections en Haïti. Imaginez, le chiffre, c'était peut-être pas 36 millions, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un montant très élevé. Et aux États-Unis, si vous regardez, hein, sur Internet, vous faites les recherches pour savoir combien coûtent les élections dans un pays comme les États-Unis, ou bien le Canada, ou bien les pays européens, où là-bas il y a premier tour, deuxième tour, ça finit plus là-bas. Il y a les principales, après il y a les primaires, après qu'il y a les élections pour le président, après il y a d'autres élections pour les mairies, après il y a d'autres présidents pour d'autres élections pour si ça finit plus après, hein? Et puis c'est toujours un Allah musta'an. Donc tout ça, gaspillage d'argent, division des gens, parce que les gens vont commencer à se disputer, à se débattre. Chacun il veut tirer de son côté, chacun veut salir l'autre, trouver des informations à propos de l'autre qui va le discréditer, qui va le salir sa réputation. Hein, et on laisse couler ces informations-là dans l'Internet ou dans les médias. Tout ça, c'est des choses interdites en islam. Hein? C'est malsain. Hein? Et tout le monde, et en même temps, celui qui est élu, il est obligé de se vanter lui-même et de se faire des éloges à lui-même et de dire, c'est moi qui est le meilleur pour vous diriger, c'est moi qui ai les meilleures idées et c'est moi qui est le plus apte à faire ci et c'est moi qui est le plus apte à faire ça. Où est-ce qu'elle est la modestie? Hein? Où est-ce qu'elle est l'humilité? Yani, subhanallah. On a fait ça, et on a fait ça, et on a fait ça. T'es obligé de te vanter, hein? Pour être élu, parce que si tu le dis pas, ou si tu fais pas ça, tu vas pas être élu. Toutes ces choses-là sont des choses contraires à l'islam. Et des choses qui contredisent l'islam. Et on voit que, si on réfléchit juste sur le fait que Hitler, par exemple, il a été élu démocratiquement. Hitler, il a été élu démocratiquement. Et aujourd'hui, on voit qu'il a été élu démocratiquement dans certains pays, hein, les plus grands pays occidentaux aujourd'hui. Malgré qu'ils ont des idées d'extrême droite ou de racisme ou des choses de ce genre. Donc, est-ce que la démocratie est un gage d'honnêteté, ou de fidélité, ou de justice? Non. On a la preuve. Tandis que l'islam, il appelle la Oumma à être unie et à souder les membres de la société les uns avec les autres dans une adoration unique et dans une conception unique, hein, de la vie et de la société. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ. Cette umma qui est la vôtre, c'est une umma unique, et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi seul. Donc on doit tous les musulmans être unis ensemble dans l'adoration d'Allah et ne pas se diviser, ni dans la religion et ni dans la politique. On doit être unis dans la religion et dans la politique. En principe, ça c'est ce qui est ordonné. Donc s'il y a des divisions, ça c'est contraire aux objectifs de l'islam et aux bases de l'islam. Donc l'islam interdit la divergence et la division. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, la vérité. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et que Allah a réuni entre vos cœurs, et que vous êtes devenus à cause de cela, par sa grâce, des frères. Donc, on n'a pas à se diviser. Et le verset également, dans Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » Et ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas, parce que sinon vous allez échouer et vous allez perdre votre force. C'est comme le dicton qui est écrit sur le drapeau d'Haïti, « L'union fait la force ». C'est écrit ça dessus. Ouais. Les premiers qui ont oublié ce dicton-là, c'est les Haïtiens eux-mêmes. On dit, même les Haïtiens entre eux, ils disent « Haïtien », ça dit « Il haït les siens ». Oh là là. Il y a même le dicton qui dit nègre aïe nègre depuis la Guinée. Le nègre déteste le nègre depuis la Guinée. C'est-à-dire avant qu'on nous prenne en esclavage, le noir détestait le noir. Donc c'est une expression que les Haïtiens ont gardée. Malheureusement, c'est normal, parce que si quelqu'un n'est pas sur l'islam, il n'est pas accroché à la foi, il n'est pas sincère, eh bien, c'est le résultat qu'il va se diviser, c'est normal. Il faut s'unir, pas juste pour s'unir, il faut s'unir, bien entendu, sur la vérité. Et c'est uniquement lorsqu'on s'unit sur la vérité qu'on obtient l'agrément d'Allah. Parce que si on s'unit juste pour s'unir pour des objectifs politiques ou des objectifs économiques ou autres, eh bien, ça ne vaut rien pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, la démocratie, elle est en contradiction avec l'islam, parce qu'elle appelle à la liberté religieuse de façon absolue. C'est-à-dire qu'elle permet à n'importe qui d'adorer n'importe quoi et de croire en n'importe quoi et de suivre n'importe quelle voie, et même d'inventer des nouvelles religions, d'inventer des nouvelles sectes. Et elle permet même à quelqu'un de se proclamer prophète, et de former sa propre religion. Donc, Ça veut dire qu'il a la liberté de croire en ce qu'il veut comme voie et comme religion. Et s'il veut faire le shirk et croire au shirk alors qu'il est musulman, il est libre. Et s'il veut inventer des innovations et des bid'a, il est libre, même si c'est contraire à l'islam. Donc ça veut dire que selon ce système-là, il faudrait laisser chacun faire ce qu'il veut dans la religion et dire ce qu'il veut à propos de la religion, sans aucune règle qui pourrait le limiter. De même que dans ce système-là, il y a une liberté, soi-disant, sur le plan du comportement et des mœurs. Il peut, par exemple, faire l'adultère, faire la fornication, faire la sodomie. Un homme peut marier un homme, une femme peut marier une femme. Il peut boire de l'alcool, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, et ça c'est au nom de la liberté individuelle. Et au nom de la liberté d'expression, il peut dire du kufr, il peut se moquer de la religion, il peut insulter les prophètes, il peut faire ce qu'il veut au nom de la liberté d'expression. Sauf bien entendu lorsque eux décident qu'il y a des limites, ils vont créer des limites ou mettre des limites là où ils veulent, quand ça les dérange. Ils vont interdire la liberté d'expression ou limiter la liberté d'expression. Mais quand c'est pour contredire la vérité ou quand c'est pour interdire aux croyants d'appliquer la religion, là, ils se permettent de limiter la liberté aux croyants. La démocratie également, elle ouvre la porte à n'importe qui de dire n'importe quoi et de propager n'importe quelle idéologie, même si c'est contraire à leur religion. Et ça, c'est au nom du pluralisme. Au nom du pluralisme, et de la, il faut qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait le plus possible d'idéologies différentes et les oppositions des idées, puis chacun dit son opinion, et ils disent que ça, c'est le signe un signe qui montre quelque chose de positif dans la société, que quand il y a beaucoup de divergences. Et ça, c'est qu'est-ce qui est contraire à la raison, yani. Et également, il n'y a pas donc de place dans la démocratie pour l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal selon les principes de la charia, parce que pour eux, ça c'est contraire à la liberté individuelle. Et dans la démocratie, il n'y a pas de peine pour l'apostasie. Si par exemple quelqu'un abandonne le tawhid ou fait du shirk ou appelle au kufr, il ne considère pas ça comme étant méritant une peine capitale. Toutefois, dans le code de loi criminelle, il y a des lois pour celui qui appelle à la sédition ou des choses comme ça. La sédition qui veut renverser le gouvernement ou des choses comme ça. Il y a des peines pour ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses que eux ils ne mentionnent pas aux gens. Mais si tu retournes dans le code de loi criminelle, là, tu vas trouver plein de choses comme ça. Même si quelqu'un est... En tout cas, c'est juste pour dire que la liberté n'est pas absolue comme eux, ils le prétendent. Ensuite, parmi les choses également qui est important à comprendre par rapport à la démocratie, c'est que ce n'est pas parce que le musulman il rejette la démocratie qu'il est en accord avec l'injustice et qu'il accepte l'injustice. Parce que c'est ça que certains essaient de faire comprendre aux gens. Ils disent, soit que tu es pour la démocratie... Ou sinon, ça veut dire que t'es contre la justice. Non, c'est pas vrai. On peut être contre la démocratie et contre l'injustice en même temps. Et il y a dans l'islam un principe qu'on appelle la bay'a, c'est-à-dire l'allégeance, le serment d'allégeance à celui qui est dirigeant. Que ce soit un roi ou un président ou un khalifa, peu importe comment on l'appelle, celui qui est au pouvoir, on lui donne l'allégeance. Et c'est bien entendu celui qui est arrivé au pouvoir selon les règles de l'islam. Donc il a la responsabilité de faire respecter et de respecter les règles de la charia. Et de faire appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son obéissance est obligatoire. C'est-à-dire on est obligé de lui obéir, excepté si ce dirigeant-là nous ordonne de faire un péché. Parce que si le dirigeant nous ordonne de faire un péché, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'obéissance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, « Ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Illa an yu'mar bima'siya, fa in umira bima'siya, fa la sam'a wa la ta'a. » Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, que le musulman, il doit écouter et obéir au dirigeant dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît. Toutefois, si, excepté si on lui ordonne une désobéissance à Allah ou un péché. Parce que si on lui ordonne une désobéissance ou un péché, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance dans ce péché-là et dans cette désobéissance-là. D'accord? Et également... Si le dirigeant musulman il commet une faute ou une erreur, eh bien, on doit le corriger et lui montrer l'erreur avec le bon conseil et avec sagesse. Et c'est en privé et non pas de façon publique. Et c'est rapporté par selon Ubad ibn Samit par al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a pris de nous l'allégeance sur l'écoute et l'obéissance. Et dans c'est-à-dire quand on est motivé ou quand quelque chose nous déplaît. Et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient ou à ceux qui détiennent le commandement. Donc si quelqu'un est ton chef ou ton dirigeant, tu ne dois pas lui disputer son commandement. Et tu dois dire la vérité là où tu te trouves, et tu ne dois pas craindre, dans l'ordre d'Allah, le blâme de quiconque. Et donc, également, c'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les plus grandes formes du djihad, c'est de dire une parole de justice devant un dirigeant injuste. Donc, ça veut dire qu'il faut dire la vérité au dirigeant et lui clarifier la vérité. Mais ça veut pas dire, comme certains parmi les gens de Bid'a, les Khawarij et les Hizbiyin, de dévoiler publiquement les fautes du dirigeant ou de l'humilier ou l'insulter publiquement de sur le mimbar ou dans des endroits publics. Mais plutôt, c'est de lui dire ça en face. Parce que de dire ça à des kilomètres, alors que tu es quelque part caché, puis tu l'insultes, ça c'est uniquement pour faire du désordre. Tandis que si tu es sincère envers Allah et que tu veux vraiment le bien pour ce dirigeant-là, eh bien tu vas lui dire les choses en face et tu vas lui faire passer le message de façon sincère. Parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, contrairement aux Khawarij et à ceux qui les ont suivis, comme les frères musulmans et les autres groupes qui découlent de ces groupes-là dans notre époque contemporaine, comme Daesh et Al-Qaïda et d'autres groupes, donc, ils contredisent les fondements d'Ahl-Sunnati à ce sujet-là, parce que pour les gens de la Sunna, il fait partie de leur fondement que le dirigeant, une fois qu'on lui a donné l'allégeance, de la part des c'est-à-dire que l'allégeance, c'est pas tous les individus de la population parmi le peuple musulman dans un pays qui vont aller donner allégeance au dirigeant un par un. Non. C'est ceux parmi les gens de ce pays-là qui sont les représentants, les dignitaires et les savants qui vont donner l'allégeance à ce dirigeant-là. Et si eux ont donné allégeance au dirigeant, il est suffisant et ça compte pour les autres, pour tout le reste du peuple. C'est pas nécessaire que chaque musulman de lui-même aille donner son allégeance. Si par exemple dans chaque région, dans chaque ville, il y a un dignitaire ou un responsable ou un représentant ou disons un chef ou bien une personne parmi les gens qui sont respectés, qui sont écoutés, il va aller voir ce dirigeant. Il donne l'allégeance pour les gens de sa région. Ça c'est considéré comme une allégeance pour tout le reste, pour tous les autres. Et ça, c'est une des façons comment quelqu'un devient dirigeant. Et c'est comme ça que Abu Bakr radiallahu anhu est devenu le khalifa. Il y a un nombre parmi les sahaba qui lui ont donné l'allégeance et ça a compté pour tous les autres sahaba. Ça, c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien que celui qui l'a précédé l'a désigné comme étant son successeur. Par exemple, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Abu Bakr l'a désigné comme son successeur. Donc après la mort d'Abu Bakr, Omar a été son khalifa automatiquement parce qu'il avait été désigné par celui qui était avant lui. Ou bien une autre façon, c'est que supposons que le dirigeant il meurt et qu'il n'avait pas désigné personne, et là il y a plusieurs personnes qui commencent à se battre pour le pouvoir et qu'il y en a un d'entre eux qui prend le dessus sur les autres, c'est lui, une fois que les gens lui ont donné l'allégeance, c'est lui qui devient le khalifa, même s'il a pris le pouvoir par la force. On va pas dire comme certains aujourd'hui, ah mais ces dirigeants là ils ont pas été élus, donc on va pas les obéir. Non, c'est pas une condition qu'ils soient élus ou acceptés par la population. Du moment qu'ils ont pris le pouvoir, même si c'est par la force, et qu'ils ont ils ont reçu l'allégeance des responsables, alors dans ce cas-là, ils restent au pouvoir et c'est eux qui sont les dirigeants. Et ça, c'est les différentes façons comment quelqu'un peut accéder au pouvoir. Et ensuite, il faut savoir qu'il n'est pas permis de se révolter ou de se rebeller contre le dirigeant, même si ce dirigeant-là est injuste ou qu'il fait des péchés. Parce qu'il y en a qui pensent que pour que quelqu'un soit un dirigeant dans l'islam, il faut qu'il soit parfait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il commette aucun péché. Et ça, c'est impossible. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché et il n'y a personne qui est parfait. Et c'est possible que parfois, même si on essaie de trouver toujours la personne ou de choisir la personne qui est la plus pieuse ou la plus savante pour être un dirigeant, mais ça peut arriver dans des cas où que c'est pas le cas. Hein? Que la personne qui est au pouvoir, il fait des péchés ou il est pervers ou il a de l'ignorance. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, peu importe qui il est, hein, depuis qu'il est musulman, il dit, par exemple, même si c'est un esclave, hein, un esclave éthiopien qui est au pouvoir, vous devez l'écouter et l'obéir. Pourquoi? Parce que les Arabes, avec leur mentalité tribale de l'époque, ils ne pouvaient pas même concevoir un chef parmi eux qui était arabe pour les diriger. Alors encore moins quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est étranger à eux, hein, devenir, en plus s'il est esclave, hein, il le dénigre, hein, même entre eux ils se dénigrent les uns les autres. Comment ils vont obéir à quelqu'un qui est de notre origine et en même temps qui a un statut social plus bas que leur statut à eux? Donc les Arabes ils étaient comme ça, ignorants. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a dit, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فاسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Il a dit, écoutez et obéissez, même si celui qui devient le dirigeant sur vous est un esclave éthiopien. Ça c'était choquant pour les mushrikines de Quraysh d'entendre ça, quand il a dit ça. Comment on va obéir à quelqu'un? C'est lui qui va être notre chef, qui va nous unir, puis après, en plus, même s'il est éthiopien, même s'il est esclave. Oh, là, ils ont vu que ça, c'était vraiment fort. Eh bien, alhamdoulilah, ça, c'est le jugement de l'islam. Hein? Qu'on ne fait pas de distinction. Si quelqu'un, il est au pouvoir, on doit l'écouter et l'obéir. Aujourd'hui, tu vois par exemple quelqu'un qui est dans un pays musulman, il est dirigeant, s'il n'a pas un doctorat ou une maîtrise, les gens qui ont fait des études disent « Oh, mais lui, il ne mérite pas d'être dirigeant, il n'a même pas un doctorat. Nous, moi, j'ai 5 doctorats, je devrais être au pouvoir à sa place. Hein? » Non, ça, ce n'est pas ça qui détermine. Celui à qui Allah a donné le pouvoir, tu dois l'écouter et lui obéir dans le bien. Et si tu peux lui faire profiter de ton expertise avec tes 5 doctorats, tu vas devenir son conseiller, tu vas lui donner des bons conseils pour qu'il fasse des jugements qui sont meilleurs. Mais là de dire, non, c'est moi qui veux être au pouvoir, je ne veux pas obéir à quelqu'un d'autre, ça c'est l'orgueil et la fierté seulement. Hein? Donc si tu as des bonnes idées, des bonnes opinions, que tu veux faire partager ça avec le dirigeant ou avec ceux qui sont au pouvoir pour les orienter et pour les aider, marhaban, hein? ça c'est le bienvenu dans ce cas-là. Au contraire, ça c'est la nasiha, c'est ça la nasiha. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc même s'ils sont injustes, et la preuve de ça, c'est que dans tous les hadiths où on lui a posé la question à propos des dirigeants qui allaient venir plus tard, il a mentionné leurs caractéristiques. Il dit, ce seront les pires des hommes, les gens vont les détester, vont les insulter. Et ils vont empêcher aux gens d'obtenir leurs droits. Hein? Ils vont faire des péchés, hein? Et des choses graves que les gens pourront même pas supporter. Ils vont pas guider selon ma guidance. Ils vont pas suivre ma sunna. Hein? Donc tout ça c'est de l'égarement. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti, vous allez voir des dirigeants comme ça. Vous allez voir des dirigeants qui font du désordre, qui donnent pas les droits aux gens, qui s'approprient toutes les richesses et les biens et qui donnent pas ça au peuple. Hein? Ils donnent pas aux gens les droits qui leur reviennent, mais eux ils exigent tout. Et il a ordonné, lorsqu'on lui a demandé est-ce qu'on doit les combattre au messager d'Allah, il a dit non. Écoutez, obéissez, soyez patients, endurez. Si vous retirez votre obéissance et votre allégeance de que vous leur avez donnée, même d'une distance comme une main, hein, shibran, une petite distance, vous vous séparez de l'obéissance de vos dirigeants et que vous mourrez dans cet état-là, alors vous mourrez dans la même état que à l'époque de la jahiliya. Comment les Arabes ils étaient avant l'islam? Ils ne voulaient pas avoir un chef, ils ne voulaient pas avoir un dirigeant au-dessus d'eux. Chacun veut être le chef, hein? Et ils s'entretuent et se combattent les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui retire sa main de l'obéissance du dirigeant, c'est-à-dire il refuse son autorité, il rejette son autorité, il va rencontrer Allah au jour de la résurrection, il n'aura même pas d'argument pour lui, il n'aura pas d'argument. Et ça ouvre une porte de mal aux musulmans. Et la citation de l'imam Ibn al-Qayyim que si par exemple le fait de condamner ou de dénoncer un mal que le dirigeant fait, ça implique de faire revenir ou d'amener un mal qui est plus grand, hein, et plus détestable à Allah et à son messager. Donc tu vois que le dirigeant il est mauvais et il fait du mal. Mais le fait de l'enlever ou de condamner ce mal-là, ça va ramener un mal plus grand et quelque chose que Allah et son messager détestent plus encore. Alors dans ce cas-là, tu ne dois pas le condamner, ce mal, hein, pour éviter le mal, le plus grand mal. Même si Allah déteste ce qu'il fait et il déteste ceux qui font cette chose. Comme par exemple le fait de condamner ouvertement les rois et les dirigeants en se révoltant contre eux. Il dit parce que ça c'est la base de tous les maux et une grande épreuve et tribulation jusqu'à la fin des temps. Et donc on constate que c'est ça malheureusement qu'est-ce qui se passe. Hein? Et ceux qui ont contredit dans ce principe-là parmi les musulmans sont les gens qui font partie des sectes déviées comme les Khawarij, les Mu'tazila, et les groupes contemporains qui ont suivi leur voie comme les frères musulmans et ceux qui ont appelé à cette voie-là à notre époque, les plus célèbres c'est par exemple Sayyid Qutb, hein? Et ceux qui ont suivi la voie des frères musulmans comme par exemple Kishk, beaucoup de musulmans à notre époque ils ont grandi avec les cassettes de Kishk. Et Kishk, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il faisait un discours, il consacrait pour chacun de ses discours un dirigeant parmi les dirigeants du monde arabe. À chaque semaine, on va dire qu'il s'assoyait, puis là il commençait à parler contre un dirigeant parmi les dirigeants. Et la prochaine fois, il ciblait un autre dirigeant et il commençait à parler de lui et de ses péchés. Et commençait à dire des choses contre lui. Donc les générations qui ont grandi avec ces discours-là et ces cassettes-là, surtout avec son accent égyptien, hein, c'était très répandu, très propagé. Et tous ceux qui, à cette époque-là, pas tous, mais une grande partie de ceux qui ont été, disons, attirés vers la religion pendant cette période-là, beaucoup d'entre eux, ils ont été influencés par des idées comme Kishk. Et ils pensaient que c'était ça l'islam, que c'était ça la bonne voie. Parce qu'ils n'ont pas entendu la sunna, ils n'ont pas écouté la voix des ulama de la sunna à cette époque-là. Parce que la voix des ulama de la sunna, elle n'avait pas une aussi grande portée que la portée des prêcheurs, des frères musulmans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des musulmans entendent le discours qu'on est en train de faire maintenant, et d'appeler à l'écoute et à l'obéissance des dirigeants, ils sont tellement surpris parfois et choqués qu'ils pensent que tu es en train d'inventer quelque chose. Hein, qu'est-ce qu'il raconte? Écouter et obéir, même s'il fait de l'injustice, ça vient en contradiction avec tout ce qu'ils ont appris dans la religion. Hein? Parce que eux, depuis le début, ils ont toujours appris, non, il faut aller contre les dirigeants, il faut se révolter contre ceux qui font... Hein? Donc, c'est, comme on dit, le paradigme qui change. Un changement de paradigme, pour utiliser les grands mots, là. Bon, t'as pas besoin de savoir. Juste pour comprendre que c'est une différente façon de voir les choses. Donc, la façon des gens de la sunna, c'est ça. Il n'est pas permis de se révolter contre le dirigeant à qui on a donné l'allégeance, excepté s'il sort de l'islam. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui a posé la question, est-ce qu'on doit pas les combattre au messager d'Allah? Hein? Il a dit, non, même s'il prend tes biens, même s'il te frappe ton dos, écoute et obéis. Et dans l'autre hadith, on dit, est-ce qu'on ne doit pas les combattre au messager d'Allah? Il a dit, non, excepté si tu vois un coffre clair au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah. Hein? Et les ulama, ils ont expliqué par rapport à ce hadith-là que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sauf si vous voyez un coffre clair, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu penses ou une supposition ou une rumeur, il faut que tu l'aies vu avec tes yeux. Et kufran, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut que ce soit un coffre, ça veut dire, ça peut pas être un péché, une désobéissance, hein, une transgression, par exemple, un péché que le dirigeant a fait. Il a bu de l'alcool, ou il a joué à des jeux de hasard, ou il a tué quelqu'un, ou il a fait de l'injustice. Hein? Ça, c'est un péché, mais c'est pas un coffre. Hein? Et également, parmi les choses du hadith ici, c'est qu'il faut que ce soit un coffre qui est bawah. Bawah, ça veut dire qu'il faut qu'il soit explicite et clair. C'est-à-dire que c'est pas suffisant que, yani, ce soit quelque chose qu'il a fait en cachet, ou que ce soit quelque chose qui est, subtil ou un détail. Il faut que ce soit quelque chose vraiment clair et apparent. Il faut que ce soit quelque chose visible. Oui, flagrant, exactement. Barakallahu fik. Et il dit, bawahan, indakum min Allahi burhan. Il faut qu'il y ait à son sujet une preuve venant d'Allah. C'est-à-dire que il faut pas que ce soit quelque chose qui est ambigu ou équivoque comme preuve. Il faut que ce soit vraiment un dalil, une preuve qui est authentique, hein, et il faut que ce soit une preuve qui est explicite. Il faut pas que ce soit une référence ou quelque chose qui est ambigu ou équivoque, qui peut être interprété de différentes façons. Il faut vraiment que ce soit clair. Et dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une preuve venant d'Allah, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est basé sur une preuve du Coran et de la Sunna. C'est pas juste une parole d'un savant, hein, ou d'un alim, mais il faut vraiment que le savant en question, s'il a fait le hukum, il faut vraiment que ce soit basé sur une preuve authentique venant du livre d'Allah et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est, premièrement, il faut savoir que le verdict du takfir, c'est un verdict shar'i, c'est un hukum shar'i. Ça dit, c'est un verdict de la religion. Et donc, c'est pas n'importe qui a le droit de l'émettre, ce verdict-là. C'est seulement un savant qui est fermement enraciné dans les règles de l'islam. Donc, si un jeune, par exemple, il a lu un ou deux livres, ou il a écouté une ou deux conférences, et là, ça y est, il se permet de dire, bon, lui, il est mécréant, lui, il est pas mécréant. Ça, c'est de l'égarement. C'est pas n'importe qui parmi les hommes qui a le droit de faire ça. De même que les peines dans la charia, c'est pas n'importe quel parmi les musulmans qui a le droit d'implémenter ou de faire appliquer les peines. Il faut que ce soit le dirigeant ou quelqu'un qui est représentant de ce dirigeant-là, que le dirigeant a désigné. Et la personne, avant qu'on lui applique la peine sur lui, il faut qu'il ait été jugé dans un tribunal musulman. C'est pas n'importe comment. Hein, sinon ça c'est le désordre et le chaos. Et en ce qui concerne Le takfir, eh bien ça c'est un verdict qui est très dangereux. Donc si on permettait à n'importe qui de le faire, même si c'est un ignorant, eh bien n'importe qui déclarerait n'importe quel dirigeant comme étant mécréant, hein? Et donc c'est le cas aujourd'hui malheureusement, beaucoup de jeunes ils se permettent de dire « Ah, un tel il est mécréant ». Hein? Une fois j'ai entendu un jeune à Montréal qui faisait une khutbah, il a dit « Tel pays il est mécréant parce qu'ils vendent du gaz à Israël, donc ça veut dire ça c'est du kufr akbar, ça veut dire ils sont sortis de la religion, sont devenus tous des kuffars. Hein? Donc ça veut dire vendre du gaz, ça devient un acte de kufr. Yani, depuis quand vendre et acheter quelque chose qui est mubah, ça devient du kufr. Donc tu vois l'ignorance de ces gens-là, à quel point ils rendent des choses kufr qui ne sont pas du kufr. Ou bien ils vont dire, ah, un tel ou un tel, il juge par une loi autre que la loi d'Allah, par exemple. Donc ils vont dire ça veut dire que c'est un kafir. Alors que les ulama, ils distinguent dans ces questions-là entre le kufr qui est majeur et le kufr qui est mineur. Le dirigeant en question, il juge peut-être par autre que la loi d'Allah, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec qu'est-ce qui contredit avec la loi d'Allah. C'est dans son cœur, il dit, la charia, c'est la vérité. Et je juge par autre que la loi d'Allah, mais je reconnais que ça, c'est un péché. Et que c'est contraire à l'islam, je suis pas d'accord avec ça, hein, que Allah me pardonne. Tu peux pas lui dire qu'il est kafir dans ce cas-là. Tu peux pas lui dire qu'il est kafir dans ce cas-là. Mais c'est un kufr mineur. C'est un grave péché. Mais tu peux pas le faire sortir de l'islam pour ça. Aujourd'hui, donc, c'est ça qu'ils font maintenant les jeunes. Ils disent, oh, regarde, ce pays-là, c'est un pays laïque, ou un pays démocrate, où ils jugent ils font des élections. Donc, ça veut dire que c'est des kuffars. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un vote, ou parce que quelqu'un est dans un pays démocratique qu'il est nécessairement mécréant ou qu'il est nécessairement en accord avec ce qui contredit la charia. Hein? C'est pas suffisant juste de le voir faire le péché. Il faut qu'il le déclare avec sa bouche ouvertement. Aussi, beaucoup d'entre ces gens-là qui font ça, c'est des gens, ils savent même pas que la démocratie est en contradiction avec l'islam. Ils savent même pas non plus que la laïcité est en contradiction avec l'islam. Parce qu'ils n'ont pas étudié la aqida, ils n'ont pas étudié l'islam. Donc, ils pensent que ça c'est permis. Et il y a même des égarés parmi les islamistes qui essaient de faire croire aux gens qu'il y a une démocratie islamique et que c'est la shura, hein, et des choses de ce genre. Donc, après, ces gens-là, ils entendent ça, ils vont dire, bon, ben, ça veut dire que c'est permis. Hein? Donc, si quelqu'un se base sur ça pour juger là-dessus, puis après... il sait pas que c'est interdit, tu peux pas le déclarer mécréant. C'est pour ça qu'il faut pas se précipiter dans les questions de takfir et se permettre de déclarer mécréant qui on veut. Ça revient aux ulama de l'islam. Et il y a des règles et des conditions et il faut établir la preuve et vérifier qu'il n'y a pas des empêchements, hein, à l'application du verdict. Aussi, il y a une différence chez les ulama entre le verdict général ou le jugement général et l'application du jugement sur un individu en particulier, c'est deux choses différentes. Si tu donnes le jugement général, c'est une règle. Hein? Mais est-ce que cette règle s'applique à l'individu? Pour vérifier ça, il faut qu'il y ait des conditions qui sont respectées et des empêchements qui ont été éliminés. Hein? Donc, il ne faut pas faire des calculs simplistes. Tu vois, les ulama, ils vont dire, quiconque rejette le jugement d'Allah, il est kafir. Alors, tu rencontres quelqu'un, tu parles avec lui, il dit, ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et là, tu dis, ah, toi, t'es kafir. Peut-être qu'il sait même pas que ça fait partie de l'islam. Ou peut-être qu'il comprend même pas. Hein? Donc, c'est pas comme ça que tu fais les jugements 1 plus 1 égale 2. Il y a des règles, il y a des conditions, il y a des principes à connaître. Et ça revient aux ulama de le faire. Et puis aussi, il faut expliquer à la personne avec sagesse et éliminer les choubouhats qu'il a, s'il a des ambiguïtés et des doutes. Ensuite, il y a des conditions pour que si effectivement les ulama, ils ont déclaré un dirigeant quelconque comme étant mécréant, il y a des conditions à respecter pour pouvoir l'enlever du pouvoir. Hein, c'est pas automatique. Tu dis, ah, lui, il est mécréant, donc automatiquement, il faut sortir coûte que coûte. Peu importe la situation, non, c'est pas vrai. Les ulama, ils ont dit, il faut avoir la capacité pour l'enlever. C'est-à-dire, faut que tu aies les moyens et la capacité de l'enlever. Donc, il faut avoir une force, il faut avoir les moyens. Hein? Et si tu n'es pas capable de l'enlever sans créer plus de mal, hein, ça c'est la deuxième condition, si tu n'es pas capable de l'enlever sans créer plus de mal, eh bien dans ce cas-là, tu n'as pas à l'enlever, tu le laisses. Comme par exemple, tu dis, si je vais enlever ce dirigeant-là du pouvoir, hein, et que je n'ai pas beaucoup de force, c'est sûr que qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des gens qui vont être tués, des innocents qui vont être expulsés, des destructions de la ville, qui, les bâtiments vont être détruits, la sécurité va être enlevée, les gens vont, le sang des innocents va couler, l'honneur va être bafoué. Donc, ça veut dire que ça ramène plus de mal que de bien. Donc, dans ce cas-là, tu t'abstiens, hein, de ce genre d'attitude, de ce genre d'action. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté actuellement, c'est que dans certains pays où il y a eu justement ce genre de situation, les dirigeants qui sont là-dedans, par exemple, dans certains pays, c'est des koufars qui étaient au pouvoir dans certains pays, comme par exemple en Syrie. Les gens ont dit, ça c'est des gens, le dirigeant qui est là-bas, c'est des dirigeants qui font partie de la secte des Nusayriya. Et eux, c'est des gens, yani, tous les ulama, ils ont été d'accord pour dire que ça c'est des koufars. Non seulement c'est des Nusayriya, mais leur système politique, c'est un système politique qui est communiste, basé sur l'athéisme, parce que c'est le parti qu'on appelle le parti Ba'ath. Hein? Le parti Ba'ath, c'est un parti socialiste, communiste, arabe. Hein? Comme qu'est-ce qu'il y avait en Irak et en Syrie. Donc ces systèmes-là, les ulama ont jugé que c'était des systèmes qui sont contraires à l'islam et opposés à l'islam, et il y a des fatwas qui ont été donnés par les ulama pour dire que ces dirigeants-là ne sont pas musulmans. Hein? Toutefois, ils n'ont pas dit aux gens, sortez, révoltez-vous. Non, parce que si, hein, ils ont calculé la situation, ils ont dit, si les gens se révoltent, ça va créer plus de tort, plus de mal. Ça va faire plus de tort et de mal que de bien. Et là, quand on voit qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, actuellement en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé en Libye, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, et les conséquences de ces révoltes-là, qu'est-ce que ça a ramené? Ça n'a rien ramené de bon. Au contraire, ça a ramené beaucoup de désordre. Hein? Et on voit encore les conséquences parce que les choses ne sont même pas réglées. Combien de d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieillards sont morts ou expulsés, des villes entières complètement détruites, il n'y a plus d'honneur, plus de sécurité, plus rien qui tient là-bas. Tout ça, c'est le résultat de la précipitation et le refus de patienter et d'endurer les malheurs. Et souvent, quand un peuple est injuste, et quand un peuple fait trop de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala punit ce peuple en leur donnant un dirigeant injuste. Alors la réalité, en fait, c'est que les gens ont le dirigeant qu'ils méritent. Et lorsqu'ils ont été eux-mêmes injustes, Allah les a punis en mettant sur eux comme punition un dirigeant injuste pour leur faire goûter une petite partie de leur injustice. Donc si quelqu'un, il veut un bon dirigeant, hein, si un peuple veut avoir un bon dirigeant, eh bien qu'il se soumette à Allah, qu'il revienne à Allah et qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala pour leur injustice et leur péché, et qu'il se conforme à la règle de la charia d'Allah. Et peut-être que dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur remplacer ce dirigeant injuste par un bon. Et vous n'avez qu'à regarder l'exemple de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Hein? Il n'est pas venu à Bani Israël pour dire, écoutez-moi Bani Israël, je suis votre prophète et vous voyez qu'il y a un dirigeant qui est au pouvoir qui est injuste, et il dit, ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Et il punit, il châtie et il tue les gens qui refusent de l'adorer. Donc il faut qu'on se mette tous ensemble, on va prendre des armes et puis on va se révolter contre Pharaon, puis on va prendre le pouvoir en Égypte, puis on va devenir les dirigeants. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Moussa alayhi salam, il n'a pas fait ça, parce que ce n'était pas ça l'ordre d'Allah. Hein? Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a puni Pharaon et a donné la victoire à Moussa alayhi salam et à Bani Israël sans qu'ils aient même pas besoin de combattre. Regardez l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était à Mecca, hein, est-ce qu'il a dit aux gens, écoutez, nous on veut établir l'islam, on va faire un coup d'état, on va renverser Quraysh, hein, on va détruire les idoles. Quand il était à la Mecque, il n'a pas fait ça. Il a été patient, il a appelé au tawhid, il a appelé à la ilaha illallah, il a été endurant. Hein, il n'a pas dit, on va aller assassiner Abu Sufyan, on va aller assassiner les gens de Quraysh. Puis quand ils vont tous être morts, après on va prendre la Mecque. On va détruire les idoles, on va établir l'islam. Non. Hein? C'est pas la méthode qu'ils ont employée. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils ont été inspirés pour faire des choses politiques par les idéologies des non-musulmans et par les méthodes, les méthodologies des non-musulmans. Que ce soit des démocrates, que ce soit des francs-maçons, que ce soit des laïcs, que ce soit des socialistes ou des communistes, ils ont pris ces méthodes-là pour agir, au lieu de prendre l'exemple du prophète et des messagers. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation dans laquelle on est actuellement. Donc ça, c'est un... C'est-à-dire, c'est la khutbah que j'avais fait aujourd'hui, c'était ça. Et j'ai rajouté des exemples et des explications dans la traduction. Mais c'était juste pour que ce soit plus clair. Parce que des fois, quand on dit les choses en français, si on n'explique pas, ça fait un petit peu sec. Hein? C'est-à-dire, quand je dis que ça fait un petit peu sec, ça veut dire que les gens, ils comprennent pas bien les choses parfois si tu les expliques pas en détail. Hein? Parce que si tu, comme on dit, tu arrondis les coins là, des fois les gens, ils utilisent ça pour justement dire, ah, il a dit ça, ça voulait dire ça. Mais quand tu expliques les choses en détail, il n'y a plus d'ambiguïté qui reste par la suite pour que les gens puissent essayer de jouer et interpréter ce que tu dis. Donc, alhamdoulilah, c'était ça le sujet. Et je pense que c'est nécessaire d'expliquer ce genre de sujet-là. C'est pour ça que j'ai parlé de ça dans la khutbah, malgré que je sais que parfois c'est un sujet qui est chaud, comme les frères ont dit, surtout à l'époque actuelle. Mais si on n'en parle pas... Malheureusement, les gens vont toujours rester dans la confusion dans ces questions-là. Donc, je trouve que c'est mieux que les choses soient clarifiées pour que les gens aient la bonne heure à ce sujet. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.